L'expression est étrange et inquiétante. L'hiver nucléaire. Étrange parce que les deux termes s'opposent. L'hiver, c'est le froid, le nucléaire, c'est le feu. Inquiétante parce que l'atome fait toujours peur. Alors avant d'écouter Monsieur X, je crois qu'il est bon de donner quelques explications sur l'hiver nucléaire. J'emprunte ces quelques lignes à Alain Reboc qui a publié un article sur ce sujet dans le magazine Le Temps Stratégique diffusé sur Internet. Lorsqu'une bombe nucléaire explose, un tiers de l'énergie produite se transforme en lumière et en chaleur. Comme si, durant un bref instant, le soleil était appliqué tel un fer incandescent sur la surface de la Terre. Tout objet proche du point d'impact éclate en flammes. Après l'éclair de lumière et de chaleur, vient le souffle qui éteint les flammes et disloque les structures que les braises et les étincelles électriques rallument alors instantanément. Imaginez la vitesse à laquelle peut brûler une maison dont les conduites de gaz ont été éventrées ou une station-service dont les colonnes d'essence ont été arrachées. En ville, les objets combustibles sont particulièrement nombreux. Outre les bâtiments et leurs contenus, les arbres, l'asphalte, sans rien dire des plastiques qui produisent en brûlant une fumée grasse hautement toxique. Si les tirs nucléaires visaient spécifiquement les raffineries de pétrole, 1% de l'arsenal existant suffirait largement à provoquer un hiver nucléaire. Après un bombardement nucléaire majeur dans l'hémisphère nord, un nuage de fumée noire monterait dans l'atmosphère qui envelopperait bientôt la totalité de l'hémisphère, puis, chauffé par le soleil, monterait plus haut encore et serait partiellement emporté par les vents jusque dans l'hémisphère sud. Deux tiers de ce nuage serait assez rapidement précipité par les chutes de pluie et de neige, mais un tiers resterait en suspension des mois durant. Les premières études suggéraient que ce nuage résiduel produirait à la surface de la Terre, même au gros de l'été, un temps aussi froid qu'en plein hiver, d'où l'expression « hiver nucléaire ». Le même auteur rappelle enfin que la théorie de l'hiver nucléaire date du milieu des années 80, une époque où la course aux armes nucléaires était à son apogée. À cette époque, le monde stockait 50 000 armes nucléaires. Aujourd'hui, bien que les États-Unis et la Russie aient entrepris depuis la fin de la guerre froide de réduire leur arsenal, le monde stocke encore 25 000 armes nucléaires, infiniment plus qu'il n'en faudrait pour déclencher un hiver nucléaire. La puissance explosive totale des armes nucléaires disponibles aujourd'hui est donc d'environ 5 000 mégatonnes, c'est-à-dire 5 milliards de tonnes. Pour avoir une idée de ce que cela signifie, il faut se rappeler que la bombe d'Hiroshima avait une puissance explosive de 13 000 tonnes. Si depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, chaque heure, on avait largué quelque part une bombe d'Hiroshima, deux tiers seulement des 5 milliards de tonnes auraient été utilisées jusqu'à aujourd'hui, un demi-siècle plus tard. Une théorie donc, celle de l'hiver nucléaire, qui date du milieu des années 80, c'est justement à cette époque-là qu'ont éclaté les affaires que va évoquer Monsieur X. Never had Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Tout a commencé le 4 août 1986 vers 1h du matin sur le pont suspendu de Clifton. Et ça se trouve où ça, Clifton ? En Angleterre, à 190 km à l'ouest de Londres, près de Bristol. Cette nuit-là, un homme franchit le parapet du pont. On le retrouve 70 mètres plus bas, mort évidemment. Un suicide ? Ça y ressemble en tout cas. D'autant que ce pont de Clifton attire irrésistiblement les désespérés. On en compte une cinquantaine par an. Toutefois, dans le cas présent, on peut se poser des questions. Lesquelles ? Pas d'abord, le malheureux, quand on le retrouve, a le pantalon sur les genoux. Son pantalon a peut-être glissé lors de sa chute. Peu vraisemblable, non. Mais il y a plus étrange. Une trace de piqûre sur la fesse gauche. Comme si on l'avait drogué. Par exemple. Mm-hmm. Et la police conclut quoi ? Suicide. Ah bon ? Malgré ces éléments bizarres. Oui, il y a tellement de tentatives de suicide à cet endroit que la police locale ne s'est même pas posé trop de questions. Mais curieusement, au moment où le cadavre allait être incinéré, des policiers sont intervenus et la dépouille a été emmenée. Alors, pour quelle raison, là ? Pour une nouvelle autopsie. Mais d'après les résultats qui seront officiellement publiés plus tard, cette deuxième autopsie n'apportera aucun élément nouveau. Mmh. Et autre bizarrerie, éventuellement ? L'homme ne possédait pas de ticket de péage sur lui. Or, quand on traverse ce pont suspendu à pied, on doit acquitter un péage et l'employé vous remet un ticket en carton. Mmh. Ce qui veut dire, à votre avis ? Bah, que l'homme avait sans doute pris place dans une voiture. Enfin, dernier détail, on a retrouvé dans la propre auto de ce malheureux stationné à proximité du pont deux chaussons de prière et une carte de membre d'une secte hindouiste, secte d'ailleurs parfaitement inconnue des pouvoirs publics. Il était lui-même d'origine indienne ? Non, il était pakistanais. Mmh. Il s'appelait Vimal Dajibai. Mmh. Et que faisait-il en Grande-Bretagne ? Dajibai, 24 ans, était chercheur. Il travaillait pour la firme Marconi et ses recherches portaient sur un programme ultra-secret. La mise au point d'une torpille destinée à détruire les sous-marins nucléaires, même lorsqu'ils se trouvent en plongée profonde. Un programme qui faisait partie de l'IDS, l'Initiative pour les Défenses Stratégiques. Oui, c'est-à-dire le projet de guerre des étoiles lancé par le président Reagan. Exactement. Mmh. Mais étant donné les activités de ce Dajibai, on pouvait quand même s'interroger. C'est juste, mais la police sur ordre s'est montrée très peu curieuse. Si le pantalon de Dajibai se trouvait sur ses genoux, c'est qu'il avait glissé au cours de la chute. Quant à la trace de piqûre, il s'agissait en réalité d'un hématome. Mais vous dites la police sur ordre. Bien sûr. Ça. Ce sont les services secrets qui ont pris les choses en main et exigé la plus grande discrétion. Oui, qui ont donc demandé sans doute la deuxième autopsie. Mmh. Et ils ont abouti ? Attendez. Deux mois plus tard, en octobre, un autre jeune savant d'origine pakistanaise se suicide dans des circonstances très étranges. Racontez. Arshad Sharif, 26 ans, s'enroule une corde autour du cou. Puis il l'attache à un arbre, monte dans sa voiture et embraye. Il meurt très vite, le larynx écrasé. C'est une méthode très originale. Tout à fait, parfaitement inédite. Ouais. Et là aussi, les autorités vont conclure au suicide. Exactement. Et nulle part dans le rapport, on ne mentionne qu'une clé à molette maintenait écrasée la pédale d'accélérateur. Et donc il s'agit d'un assassinat. À l'évidence, oui. Ouais. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce jeune chercheur travaillait aussi chez Marconi. Et lui aussi sur un programme secret. Oui, le projet Cosmos. Des recherches qui étaient effectuées également dans le cadre de la guerre des étoiles, cher au président Reagan, et à laquelle beaucoup de sociétés occidentales participaient. Décidément, curieuse coïncidence. Et ce n'est pas fini. Fin janvier 1987, un autre chercheur d'origine pakistanaise, Avtar Singh Jida, disparaît. Vous voulez dire qu'il meurt, lui aussi ? Non. Il s'évanouit dans la nature alors qu'il était en train de procéder à des expériences sur des appareils de détection sous-marin en bord d'un lac. Et lui aussi travaillait pour Marconi ? Bien sûr, et pour la guerre des étoiles. Enfin, j'ajoute qu'il était à la veille de passer son doctorat et que l'hypothèse de la fugue paraît donc complètement farfelue. Et on ne le retrouvera jamais ? Si, et c'est assez étonnant. Haftar Singh Jida va réapparaître beaucoup plus tard à Paris. À Paris ? Qui fait-il ? Et il travaille dans un sex shop. C'est assez incroyable. Complètement, oui. Et lorsqu'on l'interroge, il affirme qu'il ne se souvient plus de rien. Mais que lui est-il arrivé d'après vous ? Ben, il n'y a que deux hypothèses. Ou bien il a été drogué et réellement il a perdu la mémoire, ou alors il a peur. Mais je regrette, je ne suis pas en mesure de vous donner la solution. Mais pourtant, on l'a retrouvé à Paris, alors j'imagine que nos services se sont intéressés à lui. Naturellement, mais enfin, on n'a rien pu en tirer. Et si les Britanniques, eux, ont pu percer ce mystère, ils se sont bien gardés de nous en informer. Ouais. Alors, je résume, trois chercheurs, tous d'origine pakistanaise, tous travaillant sur le programme de guerre des étoiles. Dans quelle direction pouvait-on regarder ? La tentation, c'était de voir dans ces trois affaires une conséquence de la guerre larvée et permanente entre l'Inde et le Pakistan. Les services de l'un ou l'autre pays auraient pu être tentés de surprendre les secrets de ces savants, ou même de les supprimer afin que leurs études ne profitent pas à leur pays d'origine. D'autant que l'Inde et le Pakistan sont déjà à l'époque des puissances nucléaires en devenir. Et que tout ce qui touche les missiles les intéresse. Enfin, cette thèse a pourtant été assez vite abandonnée. Pour quelle raison ? Parce qu'à la fin du mois de mars 1987, un quatrième savant va être à son tour victime de cette mystérieuse épidémie. Encore un étrange suicide. Or, David Sands, 37 ans, n'était nullement pakistanais, c'était un Anglais pur sucre. Et comme il travaillait lui aussi chez Marconi à un programme de détection de missiles aériens liés à la guerre des étoiles, il était logique de penser que c'était l'IDS, le projet de Reagan, qui était visé. David Sands est donc le quatrième chercheur britannique en l'espace de 7 mois à connaître un sort tragique. Je dis bien le quatrième, car à l'époque, le troisième, Haftar Singh Jida, n'a pas encore réapparu à Paris dans un sex shop. Le 2 avril 1987, le journal Le Monde donne des détails sur la mort de Sands. Monsieur David Sands, un expert en informatique, employé dans une filiale de la firme Marconi, a été retrouvé mort brûlé dans sa voiture sur une route du Hampshire. Selon les premiers résultats de l'enquête, il apparaît que le véhicule, dont le coffre était chargé de plusieurs bidons d'essence, a percuté à une très grande vitesse le mur d'un bâtiment abandonné. S'il peut s'agir d'un suicide, celui-là a pu tout aussi bien être simulé. Monsieur Sands venait d'achever une étude de 3 ans concernant le projet ultra-secret d'un nouveau type de système de radar. La plupart de ses amis et collaborateurs soulignent qu'il n'avait aucune raison de se suicider. Même réflexion de la part des proches des 2 autres spécialistes des ordinateurs, également employés dans différents services du groupe Marconi. Plus loin, le correspondant du Monde ajoute: à l'annonce de la mort de M. Sands, le porte-parole des partis centristes de l'Alliance, M. John Cartwright, a déclaré mardi 31 mars à la Chambre des communes qu'il était impossible de penser que ces 4 disparitions ne puissent pas être liées. Il a demandé des éclaircissements au gouvernement afin de savoir notamment si les services secrets britanniques étaient impliqués dans l'enquête. Au début du mois, M. Cartwright avait fait la même démarche en compagnie d'autres députés de la majorité comme de l'opposition, mais jusqu'à présent, le gouvernement et la justice se montrent très discrets. Ainsi, ne sait-on pas si des mesures de sécurité et de protection ont été prises dans les sociétés qui employaient les 4 disparus. 3 suicidés, 1 disparu, ça commence à faire beaucoup. Et les services secrets anglais, espionnage et contre-espionnage, étaient bien sûr sur les dents. Mais vous avez dit que c'était certainement le projet de guerre des étoiles qui était visé. Enfin, on pouvait le penser, oui. Donc, c'était les Soviétiques qu'on pouvait soupçonner puisque ce projet était directement dirigé contre eux. Évidemment, je vous rappelle que l'IDS, qu'on a appelé rapidement la guerre des étoiles... Oui, par référence au film de Lucas. Oui, l'IDS, donc, avait pour ambition de mettre au point un vaste programme visant à construire un véritable bouclier autour des États-Unis. Oui, une sorte de bouclier spatial. Oui, grâce à des satellites, les missiles ennemis seraient détruits dès qu'ils auraient été lancés. Les promoteurs du projet avaient imaginé des missiles contre-missiles, mais aussi de fantastiques rayons laser émis depuis l'espace. Tout ça était un peu fumeux, non? Oui et non. Enfin, il faut savoir que l'IDS, et c'est assez pittoresque, a été inspiré à Reagan par un auteur de science-fiction. Vous êtes sérieux, là? Absolument. Cet homme, Jerry Pournelle, était un proche, très proche du président Reagan, et c'est lui qui a mis dans la tête du dirigeant américain cette idée de créer un bouclier technologique susceptible de protéger définitivement le territoire des États-Unis. Je peux même vous révéler qu'il a écrit certains des discours du président sur ce sujet. Oui, des discours, donc, de science-fiction. Au départ, oui. En fait, Pournelle avait une autre idée, mais il s'est bien gardé de l'expliquer à Reagan. Expliquez-moi. La marotte de cet écrivain, c'était les vols habités dans l'espace. Et il regrettait profondément que son pays y ait renoncé après Apollo. Il y a quand même les navettes. Les navettes qui ne font que de petits tours autour de la Terre. Lui, il rêvait de vols vers Mars, ou bien encore de la construction d'une station sur la Lune. Et il s'est dit qu'en initiant le programme de la guerre des étoiles, on progresserait dans ce sens. Parce qu'il faudrait imaginer des satellites habités, des moyens de transport pour les ravitailler, etc. Bref, il était toujours dans la science-fiction. C'est juste, mais comme vous devez le savoir, l'IDS n'a été que très partiellement mise en œuvre. Et les militaires ont rapidement mis à l'écart les civils. Toutefois, certaines recherches ont quand même abouti. En fait, le véritable résultat de la guerre des étoiles a été d'apporter une manne financière extraordinaire à l'industrie occidentale de l'armement. Surtout américaine, bien sûr. Jamais on n'avait autant dépensé. Grâce à Reagan. Grâce à Reagan, oui. Mmh. J'ajoute, et ça c'était plus subtil, que la vraie réussite, si je puis dire, de l'IDS a été d'obliger l'URSS à suivre le mouvement. C'est-à-dire de faire des efforts financiers comparables. C'est tout à fait, des efforts considérables. Et ce faisant, le mastodon soviétique s'est peu à peu asphyxié. La chute du communisme, c'est aussi cela. Mmh. Reagan ne l'avait peut-être pas prévu, mais c'est ce qui s'est passé. L'hypertrophie des dépenses militaires a peu à peu tué l'URSS. Mmh. D'accord, j'ai déjà lu ça quelque part. Ouais. Mais revenons à nos savants britanniques. Hein. On pense donc que c'est le KGB qui se trouve derrière la disparition de tous ces chercheurs ? Incontestablement. Enfin, il n'y a pas de preuves, et surtout l'hécatombe continue. Vous voulez dire que d'autres savants vont être éliminés ? Oui, en mars 1987, un autre ingénieur de Marconi est retrouvé mort dans son garage. Il se trouvait dans sa voiture, un tuyau fixé sur le pot d'échappement entrait dans l'habitacle. Ça ressemble plus à un suicide, quand même. Exact. Mais coup sur coup, 3 autres chercheurs vont trouver la mort dans des conditions semblables. 3 chercheurs qui tous travaillaient pour la défense. Tous les trois asphyxiés par les gaz d'échappement de leur auto ? Oui, trois suicides apparents. Enfin, c'est en tout cas ce que prétend la police. Et pourtant, l'un d'eux, Richard Pug, a été retrouvé, les pieds attachés et la tête recouverte d'un sac en plastique. Dans ce dernier cas, le suicide paraît invraisemblable. Ah, très juste. Alors, les enquêteurs prétendent que Pug se serait livré à une expérience sexuelle qui aurait mal tourné. Il paraît, enfin, je ne vous conseille pas de le faire, qu'un début d'asphyxie procure des sensations très particulières. Oui, il y a même eu un député anglais qui a succombé au cours d'une expérience semblable. C'est exact, hein, Oui, mais pourquoi ce Pug se serait aussi attaché les pieds ? Bah, vous êtes bien d'accord avec moi, tout ça ne tient pas debout. Mais les autorités britanniques ne veulent rien savoir. Officiellement, il n'y a aucun lien entre toutes ces morts. Or, l'hécatombe va se poursuivre. Encore d'autres chercheurs ? Oui. Tout à fait. Il y a encore les gaz d'échappement ? Parfois, oui. Enfin, c'est le cas d'un certain Andrew Hall, un ingénieur chef de l'aérospatiale britannique. C'est également le cas d'Edwin Skill, ingénieur chez Marconi. Encore Marconi ? Oui. Mmh. Enfin, d'autres chercheurs ou techniciens vont disparaître dans des accidents d'auto ou mourir asphyxiés sous un sac en plastique, une spécialité décidément très britannique. Enfin, un autre, Russell Smith, va être retrouvé mort au pied d'une falaise. C'est incroyable ce que... D'autant que la série n'est pas qu'anglaise. À l'étranger, d'autres chercheurs travaillant pour la guerre des étoiles vont aussi périr dans des circonstances très étranges. En Suède, par exemple. Carl Friedrich Algernon, chef de l'armement suédois, se jette sous un métro en janvier 87. Vous voulez dire qu'on l'a poussé ? C'est en effet vraisemblable, mais c'est ce que déclareront quelques témoins. Là, le crime est donc prouvé. Enfin. Oui, mais les policiers suédois, à l'instar de leurs collègues britanniques, s'en tiendront à la version d'un suicide. Encore une affaire étouffée. Toujours en Suède. 6 mois après la mort d'Algernon, Svante Odden, un spécialiste en détection sous-marine, sort en mer pour effectuer une série d'expériences. Son bateau est bourré d'équipements électroniques. 2 jours plus tard, on retrouve l'embarcation au large des côtes finlandaises. Le savant a disparu, mais aussi tous les appareils qui se trouvaient à bord. Et la Finlande, c'est tout près de l'URSS. Et il était effectivement tentant de faire un rapprochement. À noter que les travaux de ce Svante Odden recoupaient exactement ceux des premiers savants d'origine pakistanaise disparus, eux aussi. Enfin, j'ajoute qu'en mars 1987, un général italien, Giorgio Eri, responsable des armements de l'aviation, meurt également dans des circonstances très curieuses. Lui aussi travaillait pour la guerre des étoiles. Et pour vous, sans aucun doute, il y a un lien entre toutes ces affaires. Bah, comment pourrait-il en être autrement ? Même si dans quelques rares cas, l'hypothèse du suicide est probable. Mais tenez, comment expliquer de façon crédible la mort de Shani Warren ? Et qui est-ce ? Une secrétaire. Une femme qui travaillait dans une firme qui venait d'être rachetée par Marconi. Marconi, oui. On l'a retrouvée dans un lac, sous 1 mètre d'eau. Le problème, c'est qu'elle était bâillonnée et qu'elle avait les mains attachées derrière le dos. Or, contre toute vraisemblance, la police a conclu là aussi au suicide. Il y avait donc une volonté d'imposer le silence. Évidemment. Songez que pour expliquer la mort d'un nommé Peter Peeple, qui travaillait au Collège militaire royal des sciences de Shrivenham, on a prétendu que ce savant serait tombé dans son garage. Malencontreusement, sa chute l'aurait précipité sous sa voiture à proximité du pot d'échappement, et alors que le moteur tournait toujours... Et il aurait été asphyxié. Oui, ce détail qui ne manque pas d'intriguer, il aurait auparavant fermé les portes de son garage. Alors que le moteur tournait encore. Exactement, j'ai envie de dire de qui se moque-t-on. D'autant que peu de temps après, on retrouvera un autre chercheur encore de ce même collège royal pendu dans sa chambre. Mais pourquoi cette volonté d'étouffer à tout prix ses affaires ? Les policiers d'Outre-Manche ne sont pas plus obtus que les nôtres. C'est certain, oui. Si toutes ces affaires ont été classées, c'est que les services secrets anglais ont imposé le silence. Ouais, mais que craignaient-ils, alors ? Bah, d'abord, toutes ces affaires étaient désastreuses et pouvaient engendrer une vraie psychose, à la fois dans l'opinion publique et dans la communauté scientifique. Oui, d'accord, mais la presse a quand même... parfois évoquer ces morts suspectes. Oui, mais sans plus. C'est-à-dire ? Ben, je trouve qu'elle a été relativement discrète, et pourtant l'affaire était d'importance. Il y a eu des pressions sur la presse ? Pressions de la part du pouvoir ? Oui, ça me paraît évident. On est très sourcilleux en Grande-Bretagne pour tout ce qui touche aux services spéciaux. Or, justement, le gouvernement venait de faire face à plusieurs affaires délicates. Un ancien des services, Peter Wright, venait de publier un livre très embarrassant où il révélait quelques secrets. Et Mme Thatcher avait tenté en vain de faire interdire cet ouvrage. Mais elle a néanmoins poursuivi plusieurs journaux qui avaient publié des extraits. Mmh. Des journaux qui auraient donc été contraints à la prudence. Je le crois, oui. Mais il y avait une autre raison. À laquelle, alors, je vous écoute. Les services étaient en plein brouillard. Enfin, je vous l'ai dit. Il paraissait évident que le coup venait de l'Est. Mais c'était parfaitement contradictoire avec la nouvelle politique mise en place par Gorbatchev. Une politique de rapprochement avec l'Ouest. Alors, que se passait-il ? France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X. Dans leur histoire de l'espionnage mondial, Genoffa Etienne et Claude Moniquet évoquent brièvement cette disparition en série de savants britanniques. Ils affirment que les services secrets de Grande-Bretagne ont élevé un véritable mur autour de ces affaires et que le public ne saura jamais ce qui peut expliquer cette mystérieuse épidémie. Et les deux auteurs écrivent « À peine saura-t-on que quatre des morts travaillaient dans la même société d'électronique et que plusieurs d'entre eux œuvraient dans le domaine de l'initiative de défense stratégique chère au cœur du président Ronald Reagan. » Je vous l'ai souvent dit, les services, quels qu'ils soient, sont parfois redoutablement autonomes. Et leurs responsables brûlent souvent de vivre leur propre vie, et donc de conduire leur politique et non pas celle des responsables politiques de leur pays. Ça a été le cas en France et aux États-Unis. Et donc aussi en URSS, si j'ai bien compris. Oui, il existait une faction au sein du KGB qui n'acceptait pas la nouvelle ligne prônée par Gorbatchev. Une faction qui voyait dans la guerre des étoiles une menace intolérable. Alors cela croyait vraiment à ce programme qui, comme l'avez dit vous-même, n'était peut-être pas aussi sérieux que ça. Tout à fait. Mais après tout, la science-fiction bien comprise peut aussi fonctionner comme une forme de désinformation. Ah oui. Donc à mon avis, si je vous ai bien compris, toujours entre les mots, hein, c'est cette faction qui est à l'origine de la disparition de ces savants. J'en suis persuadé. Mmh. D'accord. Mais ça pose plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce en Angleterre que ces assassinats ont été commis et non pas aux États-Unis? Pour deux raisons. La première, c'est que les Anglais étaient très en pointe sur un certain nombre de programmes et qu'ils travaillaient en parfaite collaboration avec les entreprises américaines chargées de mettre en œuvre l'IDS. Et la deuxième raison ? Les hommes, qui étaient alors les plus influents au KGB, avaient souvent été des résidents de la centrale à Londres. Donc ils y avaient gardé des contacts et ils pouvaient agir plus aisément. Et mais justement, et ça c'est la deuxième question que je voulais vous poser. Cette faction, comme vous dites, a-t-elle fonctionné clandestinement ? Ou bien avec l'accord de quelques hauts responsables du KGB? Avec l'accord de responsables, incontestablement. Et aussi avec le soutien du lobby militaro-industriel. Un groupe de pression qui, comme vous le savez sans doute, faisait la pluie et le beau temps en URSS. Et l'affaire avait été subtilement préparée. Dès 1985, c'est-à-dire peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. De quelle façon, alors? Au printemps 85, il se passe un événement très étrange en Espagne. À cette époque-là, à Cordoue, se tient le congrès des municipalités non nucléaires. Les municipalités non nucléaires, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des villes qui ont décidé de ne pas abriter d'armes atomiques chez elles. Le congrès accueille de nombreux scientifiques et parmi eux un certain Vladimir Valentinovitch Alexandrov. Qui est celui-là là? C'est un brillant savant qui a mis au point une théorie dont je vous ai parlé au début de cet entretien, celle de l'hiver nucléaire. Ah, donc c'est une théorie qui prédit qu'en cas de guerre nucléaire, la Terre ne pourra plus échauffer par le soleil. À cause des nuages de poussière, ouais. Oui. Et par conséquent, les hommes ne pourront plus se nourrir. Et mourront. Oui. Et ça, c'est une théorie sérieuse? Tout à fait. N'oubliez pas que certains scientifiques expliquent ainsi la disparition des dinosaures. Une gigantesque éruption volcanique aurait voilé durablement le soleil, et les dinosaures seraient morts de froid et de faim. Mais Alexandrov est allé plus loin. Il a fait travailler les ordinateurs les plus puissants du RSS. Et en utilisant divers modèles mathématiques, il a obtenu des données effrayantes. C'est-à-dire? Il a prévu qu'en cas de conflit nucléaire entre l'Est et l'Ouest, un tiers de l'arsenal atomique serait utilisé. Des milliers de mégatonnes, donc. Ces explosions généreraient à leur tour des centaines de millions de tonnes de fumée. Conséquence, plus de soleil et un refroidissement considérable de toute la Terre, moins 20 degrés. À partir de cet instant, c'est la mort assurée pour le genre humain. Alexandrov est donc l'inventeur de cette théorie de l'hiver nucléaire. Oui, mais ce qui est important, c'est la conséquence de cette théorie en matière de stratégie militaire. Ah ben, expliquez-moi. Si une guerre nucléaire a pour effet d'anéantir la vie sur Terre, on ne voit pas bien l'intérêt d'utiliser l'arme atomique, car les deux adversaires seraient également anéantis. Ah oui, ça c'est le principe de la dissuasion. Oui, ouais. Mais ça va encore plus loin, puisque, passez-moi l'expression, tout le monde y passerait. L'agresseur, l'agressé et aussi les non-belligérants. Il n'y a plus de victoire possible, puisqu'il n'y a plus de vie. La conséquence, c'est que ça rend les armes nucléaires inutiles. Pourquoi? Parce que selon la théorie d'Alexandrov, ce ne sont pas seulement des armes défensives, ce sont des armes suicidaires. Ouais. Et si elles étaient utilisées en plus petit nombre? D'abord, il faudrait se mettre d'accord avec l'ennemi. Ensuite, Alexandrov a calculé qu'un emploi plus restreint de l'arme atomique aboutirait quand même à la création d'un hiver nucléaire. J'ajoute, et ce n'est pas sans intérêt pour notre histoire, que Gorbatchev sera l'un des premiers à populariser cette théorie de l'hiver nucléaire. Et les travaux d'Alexandrov étaient officiels? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils avaient reçu l'aval, l'imprimatur des autorités soviétiques? Oui, enfin, apparemment. Pourquoi seulement apparemment? Vous imaginez bien qu'une théorie qui conduisait à prétendre que les armes atomiques étaient inutiles pouvait guère plaire à ce lobby militaro-industriel dont je vous ai parlé précédemment. Parce que ça voulait dire, ne construisons plus de bombes, mieux commençons à les détruire. Ah, Alexandrov gênait, non? Oui, considérablement, même si la propagande soviétique pouvait aussi se servir de ses arguments pour convaincre les pacifistes occidentaux de la bonne volonté de l'URSS, par exemple. Alors revenons à la présence d'Alexandrov à ce congrès de Cordoue. Très rapidement, on s'aperçoit que le scientifique est bizarre. Bizarre, c'est-à-dire? Ben, il donne l'impression d'avoir bu, son élocution est pâteuse, son discours sans intérêt. Et que se passe-t-il alors? Ben, je ne sais pas exactement, mais l'attitude d'Alexandrov intrigue. Pourtant, comme tout savant soviétique en voyage à l'étranger, il devait être assez étroitement surveillé par les agents du KGB. Bien évidemment. Or, 2 jours après son arrivée en Espagne, alors que le scientifique a regagné Madrid et s'apprête à rentrer dans son pays, il disparaît. Donne plus signe d'avis. Non. Ce qui est très intéressant, c'est que la dernière fois où il aurait été vu, il se trouvait au bar d'un hôtel situé à 200 mètres seulement de l'ambassade américaine. Ça donne à penser qu'il aurait pu être enlevé par les Américains ou qu'il aurait lui-même demandé refuge à l'ambassade? Parfaitement. Et les Soviétiques ne se gêneront pas pour affirmer que ce sont des agents américains qui ont fait disparaître Alexandrov. Attendez, on ne l'a jamais revu? Non. C'est bien la preuve que ce ne sont pas les Américains qui l'ont enlevé. Et pourquoi alors? Mais parce qu'un jour ou l'autre, il aurait réapparu aux États-Unis, surtout après la chute du mur de Berlin et la fin du communisme en URSS. Alors, si ce ne sont pas les Américains? Eh bien, ce sont les Soviétiques, les agents du KGB commandés par cette faction dont je vous ai parlé. Et ce faisant, ils faisaient d'une pierre deux coups, ils éliminaient un ennemi du lobby militaro-industriel et ils faisaient porter la responsabilité de la disparition d'Alexandrov sur les Américains. Et ils attisaient donc la haine envers les États-Unis. Oui, mais justifiaient à l'avance des représailles. Et vous pensez que le savant a été tué? J'en suis persuadé. Et dans le climat de paranoïa aiguë entretenu au KGB par le projet de guerre des étoiles de Reagan, ça aboutira peu de temps après à l'élimination en série des savants britanniques. Après avoir enregistré cet entretien, je me suis reporté au gros livre de Christopher Andrew et Oleg Gordievsky sur le KGB dans le monde. Voici ce que j'y ai lu. En février 1985, la résidence de Londres reçut un document intitulé « La politique américaine de militarisation de l'espace », le premier du genre à lui parvenir sur ce sujet. Une lettre d'accompagnement du responsable du 3e département, Nikolai Petrovitch Gribin, présentait les programmes spatiaux de Washington comme une preuve supplémentaire de l'effort permanent de l'administration américaine pour obtenir la supériorité militaire sur l'Union soviétique. Les Américains avaient prévu d'équiper la navette avec une arme permettant de mettre hors d'usage les systèmes de transmission des satellites soviétiques ou d'utiliser ce vaisseau comme un bombardier. L'IDS, la guerre des étoiles, était également considérée comme une menace potentielle plus dangereuse que lors de sa première annonce 2 ans plus tôt. En avril 1985, le colonel Sagin, responsable de la section des attachés militaires de l'ambassade de Londres, déclara lors d'une conférence de diplomates et d'officiers de renseignement que Moscou pensait que tôt ou tard, les systèmes de l'IDS seraient capables d'intercepter 90% des missiles stratégiques soviétiques. Il voyait peu de chances que la recherche soviétique en matière de guerre des étoiles puisse contrebalancer celle des États-Unis. De toute évidence, au KGB, la guerre des étoiles faisait donc très peur. Et M. X n'a peut-être pas eu tort lorsqu'il a parlé de paranoïa. Autre élément intéressant. Dans le numéro 15 de l'autre journal, publié en juin 1986, le journaliste Didier Gilles a publié un dossier très complet sur la disparition d'Alexandrov. Et il remarque que, quelques mois après la disparition du savant, sa femme a touché à nouveau le salaire de son mari. Le journaliste en conclut donc qu'Alexandrov n'était pas un transfuge. Il reste donc 2 possibilités. Ou Alexandrov a été enlevé, ou, comme le pense M. X, il a été éliminé. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com. Rendez-vous avec X.